Bonjour. Bonjour. Vous avez oublié le petit chien ? Non, non, non, elle est par derrière. Ah, il arrive. Elle arrive. Relativement, c'est quand même ça. C'est la même chose.